au soir là, d'avoyer monter. Moi même vu un épisode pour nous payer, l'y mériter. À nous mettre tête ensemble, on nous voyait monter. Nous que voyons monter, nous tout ensemble que crier. Oh, oh.